إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنبيه جو بيي دير لو ليفر de Tathir al-Irtikad, commencer la Muraja'a, car je pense qu'on aura fini la fin de la semaine, Inch'Allah Ta'ala, et on essaie de faire la Muraja'a Amma, le Mesept, les points principaux du livre. Tamam. Question sur les points principaux du livre, Inch'Allah Ta'ala, pour par la suite, comme on l'avait prévu, entrer dans le Kitab Tawhid, Inch'Allah. Donc vous, commencez à réviser dès maintenant, ne pas attendre le dernier moment. Taïe. طيب بفضل الله تعالى ومما من علينا من النعم المتكاثرة التي لا تحصى يعني نعمة طلب العلم واتدير دابون العلم الذي هو وسيلة إلا تطبيق ما أراد الله منا وما خلقنا لأجله لا شوز pour laquelle nous avons été créés c'est par ce علم que nous serons en mesure de pouvoir l'appliquer. Donc ce ilm est le principal moyen d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos actes. Car comme on expliquait, la base dans les ibadah, c'est le tahrim. Que tu peux faire une chose si ce n'est qu'un dalil. Donc le dalil, comme il se connaît, par le ilm. Et ce ilm à la base, le os du ilm, c'est le Qur'an, kalamullah. Et sunnat nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. La sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhalika à la femme salaf salih min hadil umma. À la femme salaf salih min hadil umma. Donc, en acheminant sur le minaj salafi, authentique, par le suivi des preuves authentiques. Et cela, le principal moyen qui amène à comprendre le Coran et la Sunna, qui sont venus en langue arabe, c'est d'apprendre cette langue, bien évidemment. Al-Lua al-Arabiya, qui est la langue du Coran. Qui est la langue de l'islam. Dans les hadiths d'Arif, c'est venu que c'est la langue des gens du Jannah. Mais les hadiths sont tathbouts. Donc là, les moyens de prendre la langue arabe sont très nombreux. La siyama l'il-a'ajim, les non-arabes comme nous, qui ne sommes pas nés avec cette langue, ou même beaucoup d'entre nous qui ne sommes même pas nés sur cette religion à la base, ou certains qui sont nés, mais avec ignorance, qui ne l'appliquaient pas. Et par la suite, Allah les a gratifiés par un retour à la vérité pour ces gens-là. Et une découverte de la vérité pour ceux qui ne la connaissaient pas. Donc là, nous, Inch'Allah Ta'ala, on avait déjà pris des kutub auparavant de Jami'at, l'imam Mohamed ibn Sa'oud, fi Riyaz. On avait déjà pris le kitab 1 avec des frères d'Ammaj et le kitab 2. J'avais déjà fait le 2 qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va commencer à partir d'aujourd'hui, mais je ne l'avais pas enregistré. Donc à partir de ce jour, on va continuer, Inch'Allah, dans le kitab 2, après qu'on ait pris la révision du 1, dernièrement, pour par la suite poursuivre dans une silsila, fi kutub, fi ta'alum al-lura. Est-ce qu'on continue avec ce livre-là ou pas? Allah a'alam. Pour l'instant, on est là-dedans, on verra par la suite comment ça se passe dans le fahm et dans tadris. وكذلك في ما يوفقنا الله بذلك من دراسة نعم. Donc là تعبير comme vous savez تعبير من يعني معنى تعبير c'est le fait de savoir s'exprimer formuler des phrases en arabe correct. يعني tu vas trouver des gens يعرفون اللغة العربية إذا قرأوا في الكتب يفهمون ils vont comprendre إذا سمعوا الكلام يفهمون لكن لو كنت لو تكلم ما يصنع الكلام je le dis parle il n'arrive pas à s'exprimer. Donc ce genre de livres sont venus pour apprendre à la base aux non-arabophones d'apprendre à s'exprimer. À la base un arabophone Ce genre de livre, il s'en passe, on n'en a pas besoin. Celui qui n'a pas les bases de la langue arabe, ce livre en lui-même n'est pas indispensable, il y en a d'autres, des kutub qui ont été écrits. Il y a le kutub de Medina, il y a le kitab de notre frère Abdel Hakim Amériki, qui est le Mabadil Mufida, fi ta'lim al-lugha al-arabiyya, qui est aussi dans ce côté-là, qui apporte beaucoup de profit de fawaïd. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous enseigner ce livre, Inch'Allah. Al-Niyya, fi ma ba'at, mamkin. En plus, c'est un livre d'un frère salafi, Talib al-Ilm Mustafid Ma'arouf, Muzakim al-Mashayikhina. À la colline, ce livre-là, ce sont des livres qui ont une bonne méthodologie dans l'enseignement. On leur reprochera les sujets de certains textes, parfois, qui sont à la base plutôt dunya. Des fois, il y a des mukharafat, on nous fera le tambih, des choses qui s'opposent au din, pas qui touchent au kufr, aux genres de choses, mais des choses qui sont haram, mathalan, et que, à la base, le talib, mianbari, an, yani, yatadarraj ala misadil umur. À la base, le talib, quand il apprend une chose, il évolue sur des choses, yani, halal, correct, car ces choses-là vont s'ancrer dans son cœur par la suite. Donc, si tu viens, tu lui apprends des textes dans lesquels il y a du mensonge, des mukharafat, ça va l'imprégner. Ça va l'imprégner. Et il va les garder en lui par la suite, malheureusement. Donc, s'il y a besoin de faire un tambi, on fera un tambi. Mais le asl, fiadil kutub, ou al-stifada, min haythu, min hajj et tadris. Je le répète à chaque fois, ce genre de kutub, a'vam al-amel alikum. Moi, je suis le mouchir, fakat. J'indique. S'il y a besoin d'expliquer, j'explique, parce que Allah me permettra. Taudih, mais le fahm, c'est une chose qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Le fahm, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde. Et la personne qui veut le faire, il fait les causes. En apprenant, en lisant, en révisant. Et هذا يكون بتوفيق الله عز وجل. Donc, quelle que soit la matière que tu es, l'enseignant, c'est comme un indicateur, il t'indique. Mais il ne peut pas apprendre le ilm et te le rentrer dans ton cœur. Shamoubil l'avait dit, rahmallahu ta'ala, s'il pouvait faire rentrer la science dans le cœur de tout l'homme, il le ferait. Mais il ne peut pas. Ce qu'il veut faire, c'est enseigner ce qu'il a lui. Après, c'est les femmes diffèrent. Anna Sittafa Watoun. Je vais comprendre vite. Je vais comprendre moins vite. Qui assimile moins vite. Wa kaza. Et parmi les nasaïrs que je donne souvent aux frères quand ils rentrent dans des doulous, c'est un kana d'al kitab au rayedihi. Qui se mettent en tête de faire le kitab une fois. Ils se disent, hadal kitab adrusuhu. Wa bi iznila ta'ala la'u dilehi illa li muraja'a. Car c'est une erreur que beaucoup de toulab, ils ont dans les kutub. Au début, ils disent, je vais le faire. C'est pas grave, je le ferai deux fois, inshallah, deux, trois fois, pour que ça rentre dans ma tête. On dit, ah, d'affam khata. Ça, c'est une erreur. Car celui qui part sur cette base-là, il va être mutasahil dans son étude. Il va dire, si demain il vient sur le mas'ala, il va dire, moi, j'ai pas compris, c'est pas grave, je le ferai tout son livre. Sahil. Ayan namshi. Après, notre mas'ala vient. J'ai pas compris, c'est pas grave, tout son jour commencerait. Un jour, il ne vient pas. C'est pas grave, je contrôle faire le livre de toute façon. Là, la boud min al-azm. Vous voyez, la boud min al-azm. Dans les umours. Celui qui se dit, ce livre-là, je ne le ferai qu'une fois, bidin ta'ala, et je n'y retournerai pas. Malam yakununak haja. Lui, tu vas le voir, Inch'Allah, il va plus. Yajtahid fiyid dira cette kitab. Quand il dit, je ne veux pas recommencer, je veux assimiler le livre comme il se doit, pour après passer au livre d'après, et après celui d'après, ainsi de suite, pour évoluer dans mon talabalain. Donc, c'est une erreur. Quand quelqu'un se dit, Inch'Allah, le livre, je le ferai au moins deux, trois fois, là, là, te dis pas ça depuis le début. Pas sur l'idée que le livre, tu ne le fais qu'une seule fois, bismillah ta'ala. Une seule fois. Waouh. Par contre, si vraiment à la fin du livre, tu vois que le livre n'a pas été assimilé comme il se doit, tu as fait les efforts qu'il fallait, mais ce n'est pas bien rentré dans ta tête, ce n'est pas bien compris, on se dit là, ben, c'est un tu'id. Tu peux recommencer. C'est pas un haïb, c'est pas une honte, c'est pas un défaut. T'as des gens, des massaïds, des relèves, des massaïds, ils ont répété plusieurs fois avant de les comprendre. C'est pas un défaut. Combien de massaïds, des relèves, ashkalat alayhim. C'est tout le monde. T'es l'être humain, quand même, tu es amené, on va dire qu'à la base, ce que tu ignores est bien plus que ce que tu connais. Hatta, quand Allah Azza wa Jal, il nabiyikul, Rabbi zidni ilma. Ô Seigneur, rajoutement de la science. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et nous avons donné que peu de science. Donc la base, c'est qu'on est plus ignorant que nous sommes savants. Ce qu'on sait, c'est très peu. Donc quelqu'un qui dit « j'ai pas compris », il n'y a pas de honte. S'il a fait les efforts qu'il faut, quand même, avoir, comme le Zalika, il est revenu vers son Seigneur, il a fait prendre le taqwa, il a fait l'asbab, il a fait le dua, quand même, il a pris l'asbab qu'il fallait, que par la suite, il n'a pas obtenu les résultats qu'il voulait du premier coup, on dit « recommence, il m'a fait chier ». C'est pas une honte. T'as des gens qui disent « ouais, la honte, j'ai pas compris le livre, faut que je recommence ». C'est pas une honte du tout. La honte, c'est le continuant que t'as pas compris. C'est ça, pourquoi ? Parce qu'après, tu vas continuer, et tu vas retourner en arrière. Tu auras perdu du temps à avancer sur les choses que tu n'as pas compris, assimiler. Et la honte, c'est de dire « t'as compris ? » ?»« Non, alors t'as pas compris. » Tu dis « là, j'ai pas compris. » Ou alors tu dis « Inch'Allah, kaza. » Tu dis « Fahimta, t'as coulé « Naam, fahimtu, alors t'as pas compris. » T'as quand même pas, le prof, il va le voir plus tard. Le moudarris, il va le voir, t'as pas compris. Il va poser une question, kaza wa kaza, il rien que sur la réponse, il va dire toi, t'as pas compris. Donc, les gens, comme Ayukol, el-ilmu, la-yanaluhu, mustahi wa la-mutakabbir. La science, celui qui est trop gêné ne l'obtient pas, celui qui est trop orgueilleux ne l'obtient pas. Le gêné, c'est celui qui n'ose pas poser des questions. Le soi dire, j'ai pas compris. Le moustahil, on ne parle pas de celui qui a de la pudeur. Ça, c'est autre chose. On parle de celui qui n'a pas compris, qui n'ose pas dire « j'ai pas compris ». Qui a une question, il n'ose pas la poser. Il est dans son coin, il est isolé, il ne demande pas. On dit lui, la science ne va pas l'avoir. Et l'autre, Moutakabbir, il se croit meilleur que les autres. Il dit « j'ai pas demandé, j'ai compris », alors qu'il n'a pas compris. Mais parce que l'autre, c'est qu'il est gêné. C'est pas pour lui, c'est la honte de demander, mais il est gêné de le faire. Et l'autre, pour lui, il demandait, mais c'est la honte de demander. Ça y est, moi, je suis de ça. Moutakabbir, il se croit meilleur. Et s'il n'a pas compris, pour lui, c'est... Que les gens sachent qu'il n'est pas compris, pour lui, c'est une chose horrible. Mais tahammalou. Les gens comme ça, là, le ilm, ils ne l'obtiennent pas. Donc, s'il y a une question, pose-la. Affiché. Mais pose-la bien. Et toi, fais l'effort d'obtenir la réponse déjà par toi-même. Premier lieu, que le talib yajtahid fi bahth an al-ijaba, lui-même. Car tu as des gens, malheureusement, ils ont le mauvais réflexe de tout en demander. Je cherche pas à comprendre de même. La moelle mas'ala, il demande. Il sait plus bien de demander, mais est-ce que toi d'abord, tu as fait une recherche avant? Tu as fait un bath. Par exemple, demain, il est chez lui, là, un qamous, un dictionnaire qui ne connaît pas un mot. Le meilleur avant de demander à quelqu'un, un frère arabophone, toi déjà, avant dans le dictionnaire, regarde le mot, qu'est-ce qu'il veut dire. Tu dis tel mot, qu'est-ce qu'il veut dire, je regarde. Ah, masha'Allah, j'ai compris, ça veut dire telle et telle chose. Là, par contre, si tu regardes, il dit, j'ai pas compris. Hier, j'ai cherché tel mot, j'ai pas compris, ça veut dire quoi? Frère, il dit, ça veut dire telle et telle chose. Ah, d'accord, barakallahu fik. Les jeunes masala en tête, ils ont le Coran à la maison. Ils ont le masaf à la maison. Les kutub à la maison, ils ne regardent pas dedans. Direct, ils posent la question. Regarde le masaf déjà en premier lieu. Masala, il connaît des choses, des versets qu'il a déjà lus. On dit, ouvre ton masaf et recherche le verset. Cherche-le. Reste de te rappeler dans quelle sourate il était, de quoi il parlait à peu près, et essaie de chercher. Maintenant, tu n'as pas trouvé, là, baisse ta salle. T'as des gens qui demandent trop et pour rien. Donc les questions, il faut les poser. Le juste milieu. La question qu'il faut et comme il faut. Car il ne faut pas non plus importuner les gens plein de questions. Quand tu poses une question aux gens, ils te fuient. Surtout quand les questions ne sont pas intéressantes. Dans le sens où, c'est une question à la base, tu sais que lui, il aurait pu avoir la réponse tout seul. Ou des fois, c'est une question, elle n'a pas de faïda dedans. Depuis qu'il dit sur des choses, il est loin. Elles sont loin de lui, loin de son hell. Des choses qu'il va s'imaginer... qu'ils ne sont pas dans cette situation et qu'ils sont loin d'obtenir. La réponse actuellement, elle ne sert à rien du tout. Donc, rakiz, waqtak, fi autre chose. Et plutôt que fatiguer les gens à plein de questions, le jour où tu auras une vraie question, les gens ne vont pas t'écouter. Ils vont dire, lui, il pose trop de questions de toute façon. Ils vont dire, Afwan, je suis occupé ou j'ai pas le temps. Non pas qu'ils veulent pas, mais ils disent, lui, de toute façon, c'est quelqu'un à la base qui pose trop de questions. Donc, tu es déjà mal vu, quelque sorte. Donc, les questions, il faut les poser comme il faut, tamam, et quand il faut. Et surtout, le sujet qu'il faut. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les sahaba, souvent qui étaient réunis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril alayhi sallam, comme le shir, Shayahi, dans les fawaïd du hadith, il disait que dès qu'il y avait un étranger qui venait en visite, kunna nafrah, lino kana yasallam nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il venait, il interrogeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ce fut le cas des sahabas lorsque Jibril est venu. Ils aimaient cela parce qu'ils disaient, voilà, nous, comme on est tout le temps avec lui, on n'aime pas trop le monde, on pose trop de questions tout le temps. Quand il y a une hadja, on la pose. Mais il y a des choses que j'aimerais savoir, mais on n'en parle pas tout le temps forcément. Et quand dès qu'il y a un nouveau qui vient, un étranger, ou un zahir, ou un moussafir, on est content de poser des questions, parce que dedans, il y aura des questions que nous, on veut. Donc on profite, on est là, on aime ça. Nous, à des majj, quand il y avait des toulèbes qui venaient, des ouars avec des questions, on aimait ça. Plein de questions, on fait, alhamdoulilah, parce que des fois, on envoie la question à chier et il ne répond pas. Mais il dit, les ouars sont mon code d'amour dans la réédéhim. Les toulèbes, ils sont là tous les jours, je les vois. Les ouars, ils viennent qu'une fois. Donc eux, il faut leur donner leur haq. Tu leur réponds à leurs questions. Donc des fois, quand il y a plein de fatawa qui se font, on était content. On profite, nastafid bin hada. Donc là, c'est pareil. La question, elle a un adab. Savoir comment la poser, quand même, pourquoi la poser, et aussi à qui la poser. Tu ne prends pas n'importe quoi, n'importe qui. Il y a des questions, certains frères sont aptes à y répondre, d'autres non. Tu ne vas pas voir un frère qui n'a pas un mustawa sur un sujet qu'il ne maîtrise pas, ça ne sert à rien. Tu vas voir qui est apte. Même dans les fatawa, les ulama, ils sont différents. Tu as des gens, ils ont un fiqh, tu vas les voir, ils veulent trop jouer le humble. Il y a une question, ouais, je ne suis pas de fatwa, moi. Je dis, comment je ne suis pas de fatwa? Ma wal fatwa ou al-irbar an hukm shal'i. Le fatwa, c'est le fait d'informer d'un jugement, légiféré. Comment ça, tu ne fais pas de fatwa? C'est un kelem, fi navar. Il y a fatwa, il y a fatwa. Comme je dis souvent à des frères, demain, quelqu'un vient te voir et te dit, yahé, à nouveau en islam, il te dit, j'ai oublié, salat al-maghrib, c'est combien de rakat? Tu veux dire, ah, je ne suis pas de fatwa. Tu vas lui répondre. Tu lui sais trois. Si t'as le hadith, tu lui donnes. Tu as fait une fatwa. C'est une fatwa que tu as fait. Tu l'as informé d'un jugement légiféré. T'as pas... Tu as répondu, c'est une fatwa que tu lui as fait. Parce qu'on va dire, non, le fatwa, c'est que pour le ulama, cette fatwa-là, à ton niveau, tu peux la faire. Maintenant, il vient de voir sur un sujet épineux. Tout ce qui n'est pas de ton niveau, non. Tu lui dis, ah, là, ce genre de fatwa, c'est pas mon ressort. Dans le talaq, dans la aqidah, dans le fiqh, un sujet que tu ne connais pas. Ou alors, tu as entendu un alim faire la fatwa sur un sujet, tu dis ce sujet-là, j'ai entendu une fois, cher Foulain, dire telle et telle chose. Maintenant, il se peut que son cours soit le marjour. Ce n'est pas l'avis qui soit le plus juste. Tu dis, moi, je te donne ce que j'ai entendu. Maintenant, demande plus, fais une recherche pour savoir s'il n'y a pas une akhidah dans la masala et que l'autre cours, peut-être qu'il est vrai. Donc là, les gens, des fois, ils ont trop de rouleaux. Moubalara là-dedans. Ah, moi, je ne suis pas de fatwa, moi. Il veut faire le humble. Il fait, ah, il y a des choses, tu vas répondre, tu auras fait une fatwa, que tu veuilles ou non. Donc, c'est pas un haïb, c'est pas la honte. Quelqu'un, il a une science, tu la demandes, tu l'as, donne-lui. Mais tu l'as, la science, c'est pas une chose que. Et dans le cas contraire, tu as des gens, ils répondent à tout. Tu vas les voir, tamam. Donc, ça, c'est l'erreur. Là, il faut que tu auras ta feuille, tu fais mourir. Quand le shahid, qu'on revenait, c'est par rapport aux questions. S'il y a un ishkel sur une masse, alors quoi? Is'alou. Demandez. Ici, il y a des mashayikhs. Demandez. Et en ce qui concerne notre livre, qui est notre moustawa à nous, c'est une question, demandez-moi. Dans le ders, lève la main, pose la question, m'affichez. Ou le meilleur, c'est la fin du ders. Une mas'ala, voyez. Ou tu as peur d'oublier là, si tu lèves ta main. On parle d'un sujet, par exemple, tu lèves ta main, tu dis, Yahri, là j'ai pas bien compris, tu peux me expliquer? On réexplique. Et si ça peut attendre la fin du ders, nous akhir l'akhir ders, quand même, soumana s'el. Regardez dans le douloureux ce qu'on fait avec le ulama, souvent c'est comme ça. C'est à la fin du ders qu'on envoie la question. Et le cheikh répond à la question, il lit le papier et il répond. Et des fois, il y a des masaïl qui sont importantes, en plein ders, quelqu'un lève la main, fait un tambi. Le cheikh va pas dire, ouais, après. Il dit, naam. La personne répond. Il faut pas le faire tout le temps. Tu le coupes tout le temps dans son kalem. Ça, c'est pas bien. C'est un souadeb. Mais si la masaïl est vraiment importante, par exemple, il a fait une erreur, tu veux lui faire un tambi ou une question que tu sais que beaucoup de gens se posent la question, et là il en parle, c'est la mouna saba, tu lèves la main, il dit Yachir, il va dire Naam, tfaddal, tu poses la question. Genre pour dire regarde moi je suis là, claque des doigts comme ça. Fais pas ça. Donc le shahid de tout cela, ça c'est pas propre à se dire sans soi, tout le douloureux de façon générale, quand même, d'évoluer avec Sakina, de savoir les bonnes questions à poser. Avant de faire des bouhous, une recherche de son côté, si c'est possible, quand même. Et après cela, Massalène dans ce livre-là, la abaisse, que celui qui est Yani Yusama Hadabi Tahdir, يحضر الدرس avant le درس il lit le درس à l'avance مثلا aujourd'hui donc le درس الاول le soir il rentre chez lui ou le lendemain quand il a un temps il dit tiens je vois le درس الثاني c'est quoi de quoi ça parle il prépare son esprit ce qui va suivre il voit des mots il les connaît pas il dit je connais pas ces mots là à la fin du kitab il y a un fahris une table des matières avec un mourjam dictionnaire des mots présents dans le livre principaux il les retourne et regarde ma معنى كلمات كذا وكذا il regarde à la fin que veut dire ce mot attends non des fois il y a une image devant le mot pour l'aider à pouvoir assimiler le mot il a un mouradif un synonyme ah mashallah ce mot ça veut dire telle chose خلاص et dans le livre il revient au ders et à côté du mot il écrit ça veut dire telle chose le lendemain il est prêt wallah ça fait un gain de temps énorme un gain de temps énorme et en même temps lui son esprit sera plus ouvert et il y a même de pouvoir comprendre le ders qu'il a déjà on va dire tâté le terrain comme on dirait donc celui qui a le temps de faire ça adashi un tayyib jiddan que avant le ders il révise son ders ancien qu'il a fait ou seul ou avec son zamil il révise ensemble ou tout seul et avant une fois qu'il l'a bien simulé il dit tiens je vais regarder c'est quoi le ders prochain de quoi il parle moi le premier hein, le ders je le donne je l'avais toujours à l'avance hein. Les doulous avant de les faire je l'avais à l'avance le livre je l'ai à l'avance ce livre là je l'ai à l'avance quand tout je l'ai à l'avance pour me rappeler juste que j'ai oublié ce sont des choses que je ne connais peut-être pas sur le moment, parce que le livre en lui-même, où je dois oublier, c'était un sujet, à l'époque où j'ai fait le livre, je n'ai pas compris, après que le temps, alhamdoulilah, c'est rentré, et je regarde, pour ne pas arriver devant le frère qui te fait ders, et tu es là, tu es perdu. Des fois, ça arrive. Une masala, tu n'as pas compris, ça arrive. Le jour, par exemple, on a pris dans le Coran des Fikriya, ça peut arriver une fois, un point, la baisse, deux points, la baisse. Maintenant, tout le livre, tu ne l'as pas compris, tu l'enseignes, on va dire, ça, c'est pas bien. Et le but n'est pas de sortir avec le livre à 100%. Déjà, tu arrives à comprendre le asl du kitab et plus le motif du kitab, tu peux passer à l'étape suivante. Car le kitab d'après, on le répète souvent, ramène des masail déjà passés dans les autres kutub et il rajoute des choses nouvelles. C'est pas des choses nouvelles de tout en bloc. Tu viens, il n'y a que du nouveau, tu n'as rien compris. Il te rappelle souvent des masail des kutub passés et te rajoute des awa'id dessus. Ramar. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est juste Moukaddima qu'on voulait faire par rapport à ce kitab-là. Et, Inch'Allah, min ghad, sanabda fil qira'a wa dirasa. Là, c'est juste Moukaddima aujourd'hui, par rapport à ça, pour se préparer. Chacun son situation, que ce soit celui qui enseigne ou celui qui apprend. Et sachez que moi-même, le premier, je pense que je profite plus que vous. Que sur ce livre ou un autre, quand je fais un ders à des frères, sur ceux qui profitent le plus, c'est moi. Ça me fait un rappel, ça fait une muraja'a, et la meilleure des muraja'a, la plus ferme, la plus forte, c'est Tadris, enseigner. Des fois, des livres, je les ai pris en ders avec Mudarris, des machayikh, quoi. Des masalas, je ne les ai pas comprises. Un jour, un frère vient me voir, il me dit, Yahri, telle masala, je n'ai pas comprise. Tu peux m'expliquer? Il me dit, ben, tu vois, moi aussi, je ne l'ai pas comprise. On se pose ensemble, on va regarder. Et en lisant, la masala t'apparaît. Ouais, c'est comme si tu faisais un ders au frère, sauf qu'à la base, c'est juste une muraja'a ensemble. Et en lisant bien, en te concentrant bien, la masala, tu la comprends, mais il faut de l'Allah ta'ala. Donc quand tu fais un livre entier comme ça, imagine-toi combien rentre dans ta tête et combien reste. Il y avait une masala que je n'ai pas compris à l'époque, c'était dans le kitab Al-Hayd, en Boulour al-Maram, avec Cheikh Mohamed ibn Nizam. J'étais un peu dans ma tête, dans les nuages. Astaghfirullah. Même, je n'étais pas trop concentré. Le chéri parlait, je comprenais à moitié. Je n'étais pas concentré. Dernièrement, j'ai fait Mourajaa de Boulour al-Maram, kitab al-Tahara, avec un frère, Asayoun. J'appréhendais le kitab de Hayd. Je lui dis, oh, comment je vais faire? À l'époque, le livre, je ne l'ai pas cerné. Le Hayd, je ne suis pas une femme. Ce n'est pas un truc qui me concerne à la base. Eh bien, en faisant le livre avec le frère, ça m'a paru tellement clair. Il se rend, en fait, c'est pas difficile. Je parle des bases, hein. Je parle pas de toutes les masahil d'Aqiqa. Les bases, en fait, c'était en lisant, en faisant l'effort de comprendre, en mettant en avant, Bidina, ça rentre. Plus. Tu vois, ça rentre plus. Donc toi, aujourd'hui, tu as fait ce livre-là. Demain, si tu peux, fais-le un frère. Si demain, tu as l'occasion de faire un frère, fais-lui. Et tu verras, le Kitab Inch'Allah va s'ancrer dans ton esprit. Hein? Adam. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Ah, pareil. Dans son acte bien d'accord de l'Yom. Et Inch'Allah, on commencera demain, comme on a dit, Inch'Allah Ta'ala. Walhamdulillah.